Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 24. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. On corrige les questions du dars 23. Yaqul ajib an al-as'ilati al-atiya. Kam mudarrisan jadidan ja'a? Combien de nouveaux étudiants, nouveaux professeurs sont venus? Ja'a خمسة مدرسون جدد جاء خمسة تقمين خمسة مدرسين نعم جاء نعم. خمسة مدرسين جدد هذا هو نعم. مدرسين ثانيا كم طالب من وجد المدرس في الفصل combien d'étudiants le professeur a trouvé dans la classe وجد المدرس في الفصل 25 25 طالبا طيب ثالثا لماذا الكتاب قصص النبيين كي الأوتور دو ليفر لي كونت دي بروفيت يعني لفضيلة الشيخ أبي الحسن ابن الحسن الحمد لله رحمك الله يهديكم الحوبة لكم الندوي الندوي نعم كم صفحة في فيه 90 صفحة كم صفحة قراءة الله combien de pages ont lu les étudiants قراءة الله ثلاثا 53 صفحة نعم 53 pages. Bikam Shtara al-Mudarrisu al-Haqiba. Combien a payé le professeur la sacoche? Shtara al-Mudarrisu al-Haqiba ta bi 80 riyalan. Non. Et ses poulets, eh ben, ils ont été plus gagnants que lui. Taïm, maïa al-Matarof, Fidjam Zakar Salim. Fidjam al-Mudakar Salim. Non, qu'est-ce que vous marfou, comment les marfou? الواو نعم منصوب عليا نعم ومشرور بيا طيب الان سندخل في الدرس الرابع والعشرين وهو ضلع 24 leçon qui elle se rapporte au nombre c'est récapitulatif des règles se rapportant au nombre entièrement inshallah et ça fera une bonne révision donc savoir que les nombres des règles se divise en catégories. La première, de 1 à 2. Ensuite, de 3 à 10. Ensuite, tu as de 11 à 12. Ensuite, tu as de 13 à 19. Ensuite, tu as de 20 à 99. Ensuite, tu as tout ce qui est 100, 200, 300, 1000, millions, milliards. Et entre chacun de ces nombres, les règles se répètent et reviennent. Des fois elles partent, des fois elles se déplacent, des fois elles reviennent. Et quand tu as réussi à bien assimiler ça, après c'est juste une histoire de tartib, mettre les choses en place et se rappeler. Donc lui commence par quoi? Ce qui concerne 1 et 2. Et le muzakkar, le muzakkar, moins 9. Il dit par exemple, talibun wahidun, un étudiant. Ça, c'est Muzakkar. Donc là, Wahid, il va être quoi? Il va être Nahd. Tu ne dis pas Wahidun Talibun. Tu dis Talibun Wahidun. Le Nahd. Ça veut dire quoi? Il suit le même route. Comment tu vas dire avec un moins 9? Talibatun Wahidatun. Une étudiante. Et comme il est Nahd, il suit les féminins comme lui. Et le Mufanna, comment on fait? Pour dire deux, on emploie le Mufanna. On rajoute un Alif ou un Nun. C'est tout. Pour dire deux étudiants, tu vas dire quoi? طالباني اثنان Et pour Mouannas, tu vas dire Talibatani Isnatani. Et tu ne vas pas dire comme certains disent Isnan Toulem. Pas même. Juste là, on rajoute Alif Wannoun. Et le Isnan là qui vient après Taliban, ça s'appelle un Tawkid. On peut l'enlever. On peut dire Taliban, Fakot. Ça suffit. Et tu dis Taliban Isnan, tu as affirmé la chose, c'est tout. C'est un Tawkid. Après le 3 à 10, c'est simple. Vous voyez, le Hadad, il contredit le Mardoud dans le fait qu'il soit masculin, lui va être féminin. Et si l'autre il est féminin, lui va être masculin. Et le Mardoud, comment il vient? Il vient en pluriel, et c'est un Moudaf Ilayhi, le Majrour. Vous voyez, Mathalan, on dit trois étudiants, je veux dire, Salafatu Tullabin. Donc Salafa. Donc Salafa, là, il a une forme féminine, parce que Toulab, il est masculin. Et pour dire trois étudiantes, tu vas dire Salafu, Talibatin. Donc Salafu, là, il a une forme masculine, parce que Talibat, il est féminin. Et le Mardoud, le dénombré, il vient en étant, comme on l'a dit, un pluriel, et il est majrour parce que c'est un Moudaf Ilayhi. Donc c'est pareil jusqu'à 10. 4 étudiants, tu vas dire Arbaatu, Toulabin. 4 étudiants, tu vas dire Arbaou, Talibatin. 5 étudiantes, tu vas dire Khamsatu Tulabin. 5 étudiantes, Khamsu Talibatin. 6 étudiants, Sittatu Tulabin. 6 étudiantes, Sittatu Talibatin. 7 étudiants, Sabatu Tulabin. 7 étudiantes, Sabu Tulabin. Tulabatin. Talibatin, Ahwan. Ah, je mélange tous les jumours. Famina, 8 étudiants. Famaniyatu Tulabin. 8 étudiantes. Famani Talibatin. 9 étudiants. Tisatu Tulabin. 9 étudiantes. Tisru Talibatin. 10 étudiants. Asharatu Tulabin. 10 étudiantes. Ashru Talibatin. Ensuite, dans les adad de Murakkab, celui qui est composé de un 10, c'est autre chose, qui va de 11 à 19. Les deux premiers qui sont 11 et 12 prennent les mêmes règles que 1 et 2. C'est-à-dire quoi? La même règle que Yannick, que le Mardoud. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de Mukhalafa. Tout est normal. Par exemple, pour dire 11 étudiants, tu vas dire Ahad Ashara Taliban. Donc Ahad, il est masculin. Et Ashara, il est masculin. Et Taliban, par contre, il va être quoi, lui? Tamiz. Et pour dire 11 étudiants, tu vas dire Ihda Yeb Asharata Talibatan. Donc Ihda il est féminin, Asharata féminin, et Talibatan Tamiz. Et pour dire 11 étudiants, tu vas dire Isna, qui revient à Isnain à la base, Yeb Isna Ashara Taliban. Comment tu fais les Arabes par exemple? Il est même dit. Les Adad Murakkab ils sont même mis à la fatra tout le temps. À part Isnaï Achar ou Asnata Achar. Les autres. Tu veux dire quoi par exemple? Avec un majrour. Tu vas dire Salaytu ala Isnaï Achara Taliban. Raitu Isnaï Achara Taliban. Et tu vas dire Ja Isna Achara Taliban. Vous voyez? Et sache que comme c'est connu, les hadad de Ahad Achar, il est Tisata Achar, ils sont même mis sur la fatha. Fais-moi les arabes de Ja Isna Achara Taliban. Ja, firmant dit Mabni. Isna, fa'il. Taïeb, ou marfoua. Parlot Rafi, el alif. C'est un moulhak bi moussanna. C'est un attaché au moussanna, mais c'est pas un moussanna. Taïeb. Achara. Et Achara, celui-là, l'irlob, elle est. Pas maintenant. La Ashara dans celui-là, c'est pas maintenant, c'est pas encore pris ça. Tu peux dire quand même, non? Hein? Tu peux dire quand même. Non. Parce qu'il y a les règles du Ratof, elles n'ont pas été prises. On sera plus un Takalouf. On a perçu comme ça. Et Taliban, il est Tamiz Malouf. Non, mais tu peux dire comme ça, on a perçu. En fait, Ashara, c'est un Moudaf Ilayhi. Mais il est même ni. Il est même ni. Ou c'est un Moudaf Ilayhi ou c'est un Martouf. C'est l'un ou l'autre. Ou il y a un Waou Mukaddar ou c'est un Moudaf Ilayhi. C'est l'un ou l'autre. Et il n'y a pas de Noun à Isna, parce qu'à la base c'est Isnel, parce que le Modof il est du quand c'est un Djemuzakar Salim dans Moussana, on enlève le Noun. Et c'est pareil pour Isnata, Asharata, Ta'alibatan. C'est la même chose. Et de 13 à 19, et ben on fait quoi? Le Ashara, il reste à l'origine. C'est-à-dire il va suivre le masculin avec le masculin et le féminin avec le féminin. Et le nombre qui est avant, il va prendre les règles de Salatha à Ashara qui sont qu'on a pris précédemment. Si le Mardoud il est masculin, ben il va être féminin. Et vice-versa. Donc pour dire 13 étudiants, on va dire quoi? Salathata Ashar. Taliban. Donc Salafa il va être féminin. Vous voyez, pourquoi est-ce que Talib il est masculin? Et Ashara il va être masculin, comme lui. Et pour dire 13 étudiantes, tu vas dire Salafa. Vous voyez, Asharata, Talibatan. Vous voyez, Salafa il va être une forme masculine, parce que Taliba il est féminin. Et Ashara, lui il est féminin parce que Taliba il est féminin. Il prend le thème al-Routa. Et ils ont tout le temps une fatha à la fin, comme on a dit, même ni la fatha. Vous voyez, tu dis pas Salasatu, Asheru, Taliban. Ou Salasati, Asheri, Taliban. Non. Tout le temps, Salasta, Ashar. Tous les autres, pareil. 14 étudiants, ça veut dire Arba'ata, Ashar, Taliban. 14 étudiants, Arba'ata, Asharata, Talibatan. 15 étudiants, Khamsata, Ashar, Taliban. 15 étudiantes, Khamsata, Asharata, Talibatan. 16 étudiants, Sittata, Ashar, Taliban. 16 étudiantes, Sittata, Asharata, Talibatan. 17 étudiants, Sabata Ashar Taliban. 17 étudiantes, Saba Asharata Taliban. 18 étudiantes, Samaniata Ashara Taliban. 18 étudiantes, Samani Asharata Taliban. 19 étudiants, Tisata Ashara Taliban. 19 étudiantes, Tisa Asharata Taliban. Maintenant, tout ce qui est. On arrive à combien maintenant? Au chiffre rond? Ishroun, qui veut dire 20. Salathoun, 30. Arbaoun, 40. Khamsoun, 50. Sittoun, 60. Sabroun, 70. Samanoun, 80. Tisroun, 90. Cela, c'est simple. Toi, en fait, quand tu as compris la première règle, ça y est, tu te peux. Voilà. Quand tu as pris les points, après, c'est juste quand les remettre en place. Quand est-ce qu'on les applique et quand est-ce qu'on les délaisse. C'est juste ça. Donc là, Ishroun, lui, quand il vient, eh ben, le dénombré, c'est un tamiz. C'est-à-dire qu'il est moufrad en dessous. Tu dis Ishroun Taliban. Et masculin ou féminin, il ne change pas. Tu dis Ishroun Taliban pour 20 étudiants. Tu dis Ishroun Talibatan pour 20 étudiantes. Ishroun, il reste Ishroun. Et quand il est malfour, Ishroun, il est comme Jamuzakal Salim, avec un waouh. Et quand il est mansoub, avec un ya. Et quand il est majour, avec un ya. Pareil. Par exemple, tu vas dire Ja'a Ishroun Taliban. Tu vas dire Ra'aytu Ishrina Taliban. J'ai vu 20 étudiants. Là, il est malfour. Et salam tout à la Ishrin Taliban, j'ai passé salam à 20 étudiants. Ensuite, de 21, voyez, à 29, et c'est pareil pour de 31 à 39, et de 41 à 49, ainsi de suite, c'est la même règle. C'est quoi? Le Ishrin n'y change pas. Salasoum n'y change pas. Arbaoun n'y change pas. C'est le nombre qui est avant. Il faut faire attention. Voyez. Et lui, il va prendre quoi? Les règles précédentes. Le Wahid, il fut le Mardoud. Il est comme lui. Isnen, pareil. Et de Salafa à Tisra, il va contredire. Le masculin va avoir un dénombré féminin. Et le féminin va avoir un dénombré masculin. Comme on a appris. C'est tout le temps comme ça en général. Et le dénombré en lui-même, le Mardoud, il est quoi? Tamiz, Mansoum. Par exemple, pour dire 21 étudiants, tu veux dire. Wahidun wa ishruna taliban. Donc wahidun, il est masculin. Parce que taliban, taliban plutôt, il est masculin. Et pour dire 21 ou 21 étudiants, tu vas dire ihda wa ishruna talibatan. Ihda, il est considéré comme étant un féminin de wahid. Bien qu'on peut dire aussi wahida, mais là c'est ihda. Donc ihda s'adapte à taliba. Parce que taliba, il est féminin. Et ishrun, il ne change pas. Pour dire 22, c'est pareil. Tu vas dire Isnani ou Aishruna Taliban. Donc Isnani, il est masculin. Parce que Taliban, il est masculin. Et pour dire 22 étudiants, tu vas dire Isnatan ou Aishruna Taliban. Donc Isnatan, il est féminin. Parce que Taliba, il est féminin. Et les autres, après, ça revient comme on l'a dit tout à l'heure. Il va contredire le Mardoud. Il va s'opposer à lui dans son genre. 23 étudiantes, tu vas dire Falafatun ou Ashuna Taliban. 23 étudiantes, Falafun ou Ashuna Taliban. 24 étudiantes, Arbaatun ou Ashuna Taliban. 24 étudiantes, Arbaun ou Ashuna Taliban. 25 étudiants, Khamsatun ou Ashuna Taliban. 25 étudiantes, Khamsun ou Ashuna Taliban. 26 étudiants, ou 26 étudiants, Sittatun ou Ashuna Taliban. 26 étudiantes, Sittun ou Ashuna Taliban. 27 étudiants, Sabatun ou Ashuna Taliban. 27 étudiantes, Sab'un ou Ashuna Taliban. 28 étudiantes, ou 28 étudiants, Afwan, Samaniatun ou Ashuna Taliban. Et 28 étudiantes, Samanin ou Ashuna Taliban. 29 étudiants, Tisatun ou Ashuna Taliban. Et 29 étudiantes, Taliban. Taliban, nam. Nam. Tisatun ou Ashuna Taliban. Et 29 étudiantes, Tisoun ou Ashuna Taliban. Et après, Salathun et Arbaoun, et tout c'est pareil. C'est tous par les mêmes règles. Mais tant qu'ils resteront, comme il te dit par exemple, 30 étudiants, tu veux dire Salathun Taliban. Et 30 étudiantes, Salathun Taliban. 40 étudiants, Arbaoun Taliban. 40 étudiantes, Arbaoun Taliban. 50 étudiants, Khamsoun Taliban. 50 étudiantes, Khamsoun Taliban. 60 étudiantes, 60 étudiants masculins, Sittouna Taliban. 60 étudiantes, Sittouna Taliban. 70 étudiants, Sab'ouna Taliban. 70 étudiantes, Sab'ouna Taliban. 80 étudiantes, Famanouna Taliban. 80 étudiantes, Famanouna Taliban. 90 étudiants, Tis'ouna Taliban. Et 90 étudiantes, Tis'ouna Taliban. Ils ne changent pas. Et les entre-chiffres, comme on a pris que 21, 29, 34, c'est pareil avec 41, avec 51, avec 61, ainsi de suite. C'est la même chose. Maintenant, nouvelle étape, avec Mia. 100. Vous voyez ? Mia, ils écrivent tout en pareil. Il y a une forme féminine. Miatun. Qu'il soit masculin ou féminin, c'est écrit Miatou. Et son dénombré va être quoi ? Moudaf ilayhi. Mais il est Moufrad. Il n'est pas en pluriel. Le seul moment où tu trouves le pluriel, c'est de 3 à 10. Ou de 3 à 10 après les 100, comme ça va venir maintenant. Sinon, ils sont tous en singulier, soit ils sont tamiz, soit ils sont moudaf ilayhi. Enfin, attention à ça. Donc, pour dire 100 étudiants, tu veux dire quoi ? Miatou talibin. Donc, il n'y a pas de tanouna miya, pourquoi est-ce qu'il est moudaf ? Et talibin moudaf ilayhi. Pour dire 100 étudiantes, tu veux dire miatou talibatin. Pourquoi ils ont mis wata talibatin ? Ça vient après ça. C'est pour dire 101. Là, t'as compris 100 ? Ça y est. Eh ben 100, 200, 300, ainsi de suite, ils prennent les mêmes règles. Ça y est. Maintenant, pour dire 101 étudiants ou 102 étudiantes, 103 étudiants, 104 étudiantes, eh ben les règles de 101 à 110, vous voyez, c'est les mêmes règles que de 1 à 10. 100, il reste pareil. Vous voyez, 100, il reste pareil. Et le 1 jusqu'à 10, eh ben c'est comme on a pris dans le début. Tu vas voir. Par exemple, pour dire 101 étudiants, comment tu dis ? Tu dis « Miyatou Talibin » ou « Talibun ». En fait, tu traduirais par quoi ? Par 100 étudiants et 1. Vous voyez ? Mais en vrai, on va dire 101 directement. Mais en arabe, ça se dit comme ça. Miatoutol les batines, wa talibun. Et c'est pareil pour dire 101 étudiantes, tu veux dire miatoutol les batines, wa talibatun. Et là, talibun, pourquoi les malfour? Talibun, pourquoi les malfour? Parce qu'il est, il vient après le waou. Et le waou, on le fait suivre ce qui est avant lui, et c'est quoi qu'il considérait là? C'est Mia, c'est pas talib. Les marteaux. Mais si par exemple Mia demain il va être Mansoub. Bah, le talib qui va prévoir, il va être mansoub comme lui. Alors tu vas dire, ra'itu miyata talibin wa taliban. Il est martouf, c'est ça. Vous voyez ? Pas même martouf. Non. La fumada ? Ouais. Attention, ça peut chawesh au début, là, mais après, voilà, quoi. Pour dire 102 étudiants, tu vas dire, miyatu talibin wa taliban. Ça se traduirait par quoi ? 100 étudiants et 2 étudiants. Mais nous, on va dire 102 directement. Pour dire 102 étudiants, tu vas dire miyatou, talibatin ou talibatan. Vous voyez ? Maintenant, c'est juste pour les deux premiers. Les autres, il n'y a plus de répétition. De 103 à 110. Pour dire 103 étudiants, tu veux dire quoi ? Miatoun, wa, salasatoun, toulabi. Donc le mia, il reste pareil. Après, tu fais waouh. Et après, tu fais comme les chiffres du début. De salasa ashara. Wa, salasatoun, toulabi. Salasa, il est mouzakar. Il est moins de 9 parce que toulab, il est mouzakar. Et toulab, il va être en jam, moudaf ilayhi. Comme de 3 à 10. Là, les règles qu'ils font après le wa ou après mia, c'est les mêmes règles que le 3 à 10. Vous voyez ? Donc, pour dire 103 étudiants, tu vas dire miyatu wa salatu talibatin. 104 étudiants, tu vas dire miyatu wa arba'atu tulabin. 104 étudiants, tu vas dire miyatu wa arba'u talibatin. Pour dire 105 étudiants, tu vas dire miyatun wa khamsatu tulabin. 105 étudiantes, miyatun wa khamsu talibatin. 106 étudiants, tu vas dire miyatun wa sittatu afwan tulabin. 106 étudiantes, tu vas dire miyatun wa sittu talibatin. 107 étudiantes, tu vas dire miyatun wa sab'atu tulabin. 107 étudiantes, miyatun wa sab'u talibatin. 108 étudiants, miyatun wa samaniyatu tulabin. 108 étudiantes, miyatun wa samani talibatin. 109 étudiants, miyatun wa tisatun tisatu afwan santanouin, c'est les mots d'offre, tulabin. Et 109 étudiantes, miyatun wa tis'u talibatin. 110 étudiants, miyatun wa asharatu tulabin. Et 110 étudiantes, miyatun wa asharu talibatin. Et ensuite, pour ce qui va de ce qui vient après, c'est les mêmes règles qu'avant. Par exemple, de 111 à 100, à 119, et ben en fait tu prends Mia, après tu dis Wa, et après tu viens avec les Arkem qu'on a pris de 11 à 19. Pour dire 120, tu mets Mia, Wa, après tu mets les règles qu'on a pris de 20 à 99. Vous voyez ? Après un waouh. C'est tout. Par exemple, là, il donne un exemple. Pour dire 111. Étudiant, tu veux dire Miyatun wa ahada ashara taliban. C'est tout. Tu rajoutes le 11 qu'on a pris auparavant. Après un waouh. Pour dire 111 étudiantes, Miyatun wa ihada asharata talibatan. Vous voyez ? Pour dire 200, comme on dit, Miyatani. En fait, on prend Mia et on fait comme le Moussanna. On rajoute un alif à nous à la fin. Pour dire 2, en fait, c'est 2 Mia. C'est 200. T'as dit, donc tu veux dire Mia, c'est 100. Mia Tani, 200. Quand tu viens tout seul, tu dis Mia Tani. Et si tu mets un mardoute derrière, tu enlèves le nun. Par exemple, pour dire 200 étudiants, tu veux dire Mia Ta Talibin. T'as dit. Et tu vas dire pareil pour dire 200 étudiantes. Mia Ta Talibatin. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'on a dit quoi au début du Ders ? Quand un Moussanna, on va dire Moussakar Salim, ils sont Moudof, voilà, on enlève le monde. Ça y est. Maintenant, pour dire 300 étudiants, et bien c'est comme ça. Vous voyez ? Tu dis Salafa Mia, et après tu mets un Moudof Ilay. Tu dis Salafu ou Salafa Mia. Ou Salafu Mia, enfin. Il est mal fort là. Salasumia talibin. Salasumia talibatin. 400. Orbaumia talibin. Orbaatumia talibatin. 500. Khamsatumia talibin. Voyez. 500 étudiantes. Khamsatumia talibatin. 600. Sittatumia talibin. 600 étudiantes. Sittatumia talibatin. 700 étudiants. Sabatumia talibin. 700 étudiantes. Sabatumia talibatin. 800 étudiantes, Samanumia talibin. Et pour 800 étudiantes, Samaniamia. Samanumia, ouais. Bon, oui, là. Talibatin. 900 étudiants, ça veut dire quoi ? Tisumia talibin. Et 900 étudiantes, Tisumia talibatin. Il ne change pas. Et c'est les mêmes règles après entre temps que ce qu'on a pris auparavant. 1000, comment tu dis ? Alf. Vous voyez ? Et 1000, il prend les règles de 100. Tu vas dire, pour dire 1000 étudiants, Alf ou Tan Alibin ? Moudaf ilay. Vous voyez ? Alf il est Moudaf, et Tan Alibin, Moudaf ilay. Et 1000 étudiantes, Alf ou Tan Alibatin ? Comme 100. Et pour dire 2000 ? Alfan. Tu fais comme Moufadna, tu rajoutes un Alif ou un Noun. Et Alfan, tu vas faire comme Miatan. Pour dire 2000 étudiants, tu vas dire comment ? Alfa Talibin. Pour dire 2000 étudiantes, Alfa Talibatin. Vous voyez ? Pour dire 3000, Fala Fatou. Ah, attention là. C'est plus rien. Aïe, ouais. Le dénombré est où maintenant, réellement ? T'en as deux, dénombré. Mmh. Non, t'as... Parce que là, maintenant, quand on dit 3000, t'as Falafa, les 3, et après t'as Aleph, 1000. Donc, Falafatu, Aleph, il prend les mêmes règles que Falafatu, tout l'abîme. Vous voyez ? Ça veut dire Falafatu, il va être Moudof, et Aleph, Moudof, il va être Jam. Il va être Moudof. Et tant Libin, il va suivre les rêves de quoi ? De Alf Tawalib. Il va être comment ? Moudof Ilei, mais en singulier. Attention à ça. Et pareil, pour dire 3000 étudiantes, tu veux dire Falafatu, Alef, Tawalibatin. Alef, c'est le diam de Alf. Et Alf, il est masculin, donc Falafatu, il va être féminin. Il n'y a pas Masalem, Falafatu, Alef. Non, Falafatu, Alef. Vous voyez, attention, je sais que c'est un vrai labyrinthe, vous voyez, mais bon, c'est comme ça. Hashtag. Alhamdoulilah, tu n'as pas trop à faire à ça dans le Coran, dans la Sunna. Il n'y a pas beaucoup. Donc, mais si tu es prof de maths en arabe, ça, tu es obligé d'y passer. Ouais. Par exemple, quand tu vas faire les Akhim des Zakat, choses comme ça, tu en auras besoin. Tu en auras besoin. Mm. Tu fais que tous les bouillots, choses comme ça, tu en auras besoin. 4000 étudiantes, ça veut dire comment ? Arba'atu alef talibin. 4000 étudiantes, arba'atu alef talibatin. 5000 étudiants, khamsatu alef talibin. 5000 étudiantes, khamsatu alefi talibatin. 6000 étudiantes, 6000 étudiants en fouen, masculin, sittatu alefi talibin. 6000 étudiantes, sittatu alefi talibatin. 7000 étudiants, sabatu alefi talibin. 7000 étudiants, sabatu alafi talibatin. 8000 étudiants, samaniyatu alafi talibin. 8000 étudiants, samaniyatu alafi talibatin. 9000 étudiants, tisatu alafi talibin. 9000 étudiantes, tisatu alafi talibatin. Et 10000, asharatu alafi talibin. Et 10000 étudiantes, asharatu alafi talibatin. Et 20000 20000 alpha maintenant. C'est plus alef. Pourquoi ? Parce qu'il suit Echeloun maintenant. Donc on vient aux règles de Echeloun, Salafoun, Arbaoun. Maintenant, alf, il va revenir quoi ? Tamiz. Donc il est Moufrad, Mansoub. Vous voyez ? Mais également, il prend les règles de alf. Donc il va être Moudof et Talib va être Moudof Ilay. Maintenant, les règles, elles s'emboîtent entre elles. Là, tu as les règles de Echeloun et tu as les règles de Alf qui rentrent ensemble. Donc, Alf, il suit Echeloun, mais Talib, il suit Alf. Tu crois ? Je suis juste les mêmes astres là, c'est un peu dur, tu vois, mais. Inch'Allah. Nasta'in billah. Ça y est. Echeloun, Alpha, Talibin. Echeloun, Alpha, Talibatin. Ça, c'est 20000 étudiants, 20000 étudiantes. 30000 étudiants, Salathuna Alpha Talibin. 30000 étudiantes, Salathuna Alpha Talibatin. 40000 étudiants, Orbaoun Alpha Talibin. 40000 étudiantes, Orbaoun Alpha Talibatin. 5000 étudiants, Khamsoun Alpha Talibin. Et 50000 étudiantes, Khamsoun Alpha Talibatin. Et pareil, Sittoun Alpha. Vous voyez, Saboun Alpha, ainsi de suite. Maintenant 100000. Il faut les règles du 100 avec le 1000. Donc c'est pareil. Alf, ils suivent quoi? Les règles de 100. Et toi, les pires, c'est les règles de Alf. Donc pour dire 100 000 étudiants, tu veux dire quoi? Mais à tout, Alfie. Maintenant, Alfie, s'il suit 100, il va être comme Moudofilei. Moufran. Et toi, Lib, il reste comme il était avec Alf. Pareil, Moufran, Moudofilei. Tu veux dire quoi? 100 000 étudiants. Miyatou, Alfie, Taolibin. 100 000 étudiantes. Miyatou, Alfie, Taolibatin. 200 000 étudiants. Miyata, Alfie, Taolibin. 200 000 étudiantes. Miyata, Alfie, Taolibatin. 30 000 étudiants. 300 000 étudiants, en fait. Salafou, Miyatou, Alfie, Taolibin. Et 300 000 étudiantes. Salafou, Miyati. Salafou, Miyatou, Alfie, Taolibatin. 400 000 étudiants. Arbaoumia Alfi Talibin et 400 étudiantes Arbaoumia Alfi Talibatin. Et pareil pour 500 000 et 600 000, 700 000. Bon, maintenant tu vas faire un test pour voir si vraiment tu en as 15. Pour dire 6534 ou 43. Vous voyez, 6543. Comment tu fais? Comment je fais? Mais c'est écrit. C'est écrit. Tu as écrit? Mais voilà, bah oui. Allez, ouais. Vas-y. Mais c'est pas marrant, là, je peux lire. Ouais, tu peux lire, en même temps, ça te fait analyser la chose. Salatatou wa arbaoun. Wa khamsoumi atin wa sittatou la fi rial. Eh ben, tu vois, là, ce qui veut faire comprendre, il te l'a fait commencer à l'envers. Nous, en français, on va dire que 6543. Et mon art, tu peux dire quoi? 43 et 500 et 6000, en fait. Tu vas à l'envers. Ce qu'il a fait, lui-là. Ça y est? C'est bien, ça. Ça demande du tamerlane, ça. Hein. Allez, ouais. Tu vois, pour les dates, tout ça, là. Les quoi? Les dates. Ouais, ça rentre dans les dates. Ça rentre dans les dates. Parfaitement. Ah oui. Là, tu as tout compris. Quand les ulama, il faut donner les dates dans les trucs, c'est ça qui rentre dedans. Ah oui, c'est ça demande du tamerlane, ça. Tu vois? Donc là, il te fait quoi? Il t'a fait un cocktail là, puis il t'a tout mis les règles ensemble. Donc il t'a dit quoi? Pour dire 6543, en arabe, tu vas dire quoi? Par exemple, pour une chose masculine, tu vas dire Salafatun wa arbaoun. Ça c'est quoi? Le 43 de la fin. Wa khamsoumiyatin. Et 500. Wa sittatu alf. Alef, afouen. Ça c'est pour le 6000 rial. Pour dire quoi en fait? 6543 rial. Fahemt? Ou après, ou bien tu peux dire Thalatun, c'est bien ça. Thalatun ou Thalatun. Là, c'est parce que le Riyal, il est masculin. Ah ouais, ouais il est féminin ah, plutôt. Oui, l'autre, il est féminin. Rubiya. Donc, il commence par quoi? La seule différence, c'est le premier Thalatha, il change. Vous voyez? Attends, tu veux dire quoi? Thalathun, wa arbauna, wa khamsumiyatin, wa sittatu alafi, rubiya. Ah ouais, parce que le premier, il le fait bien. Et tu peux dire le contraire. Tu peux dire Sittatu alef, wa khamsumiya, toyeb, wa thalathun wa arbauna, riyal. Toyeb, là, tu veux dire quoi si tu le mets à la fin? Il va être quoi? Tu veux dire rialan. Parce qu'il va me dire quoi après? Thalathun wa arbaun. Donc il va être tamiz, mansoub. Mais s'il vient après alef, il va être mondofilei. Attention à ça. L'ordre, si tu commences par le début, le dénombré va changer. Ou il va être tamiz, ou il peut être moudafilei jam, ou il peut être moudafilei moufrad. Ça, il faut faire attention. Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, ça va s'ancrer. Ça y est, maintenant tu fais un khulasa. Il dit Ahwal el-Adad. Maintenant tu dis quoi? La situation du nombre lui-même. Il dit Awalen el-Adaden. واحد واثنين على وفق المعدود. C'est-à-dire quoi que quand tu fais de واحد à اثنين, ils sont en concordance avec le dénombré. En genre. Ils sont comme lui. ثانيا الأعداد من ثلاثة إلى عشرة على عكس المعدود. Que de 3 à 10, il va contredire le dénombré. En genre. Vous voyez? Pourquoi aussi il donne un indicatif comme quoi c'est vrai, c'est faux, c'est... Ça, je sais pas. C'est quoi la manana là? des signes qu'il a mis à côté. Ouais, les signes là. Non, en fait, ça, le trait, pour dire qu'il est en accord. Et la croix, pour dire qu'il est en désaccord. Le trois là, ouais. C'est pour dire que c'est en accord. Non, tu vois. La croix, ça veut dire c'est le contraire. Ça, ça lui dit Al-Adadan, Ahada Achar, Wasna Achar, Al-Juz'ani, Al-Awuf, Al-Awuf, Al-Ma'doud. Donc, ils disent quoi? Les deux chiffres qui sont 11 et 12, vous voyez, les deux premières parties de 11 et 12, c'est-à-dire le Ahada Achar, le Ahad, et le Sna Achar, le Sna, vous voyez, ils sont en concordance avec le dénombré. En genre, bien sûr, hein, parlant genre. Quatrièmement, Al-Adad, Mil-Thalasa, Acharata. Il a dit ça à Achar, elle joue l'awel, vous voyez, à la axe, elle m'a doud, ou elle joue l'ani, à la wofki. Donc il dit les chiffres de 13 à 19, la première partie, c'est-à-dire salasa, ou il a dit ça, vous voyez, sont en opposé du mardoud par rapport aux gens. Et la deuxième partie qui est Achara, elle est en concordance avec le mardoud. C'est-à-dire le masculin avec le masculin et le féminin avec le féminin. Ça, ça concerne le nombre. Le nombre. Maintenant, le dénombré, il dit quoi? Ahwal el Ma'doud. C'est-à-dire la situation du dénombré. Awalan, il dit de 3 min salasa il ashara tullab masalan ça va être un jam majrour. C'est-à-dire le Ma'doud, le dénombré qui vient après un 3 jusqu'à 10, ça va être un pluriel majuro parce qu'il est moudafunay. Deuxièmement, min ahada achar, il est tisata achar, taliban, mufrad mansoub. Ça veut dire le dénombré qui vient après de 11 jusqu'à 99, ça va être quoi? Un tamiz. Singulier, mansoub. Et min mia, il a alf, ainsi de suite. Le dénombré, c'est quoi? Un mufrad. Majuro, c'est un singulier, majuro parce que c'est un moudafili. Tu vois Doliprane? La basse. Je pense que t'as une petite sueur folle pour la soirée, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là. Je sais que t'as compris, c'est juste après c'est mettre en place. Tu vois? Non, en gros, j'ai compris. Faut dans le valise tout seul. Tout seul? Ouais, non. Je te conseille pas. Non, en fait, c'est. Prends un Zamil. Je dois prendre des. Ouais, non, t'es de l'ébat à la maison, mais je veux dire, toi, entraîne-toi avec les frères, tu vois. Des fois, tu dis, vas-y, dis-moi, sans deux étudiants. Tu vois. Non, non, c'est les dates surtout. Tu vois les dates mmh. C'est ça le plus important. Quand par exemple, tu vas lire. Ça arrive que quand tu vas lire une biographie d'un saint, par exemple. Ouais, non. Tu donnes beaucoup de dates au début, tu vois. Non. Ouais, non. Hein. Pour pouvoir le lire correctement. Okay. Faut faire attention au moudoud quand tu lis les hadad. Entre le tanouin par exemple et le waou et noun. Par exemple, tu vas dire salatatun ou aishuruna. T'en as, ils vont croire que tu as dit salat, par exemple, je sais pas moi. S'il n'est pas encore habitué, il va croire que tu as mis un waou ou un noun encore. Il va dire attends, il y a combien de waou et noun, je comprends plus rien. Toun, toun, toun, ou tin, tin, tin, ou tan, tan, tan, je comprends pas. Mm. Tu vois, c'est-à-dire des fois quand on prononce, le tanouin, il faut le faire court et le maître, il faut le faire long. Pour que celui qui ne connaît pas, il s'habitue bien. Parce qu'au début, c'est en bruit. Moi, je me rappelle en Égypte. Pourquoi tu parlais avec les dates? Pour moi, c'est tout des, c'était pas des tanouines, c'est tous des moudouds. T'arrivais pas à différencier. Ah ouais, je comprends rien. C'était, mais c'était qui? C'était toi ou c'était le professeur? Non, c'était moi, parce que j'étais débutant, j'étais pas habitué. Il articulait bien, mais non. Il articulait bien. C'était juste moi, j'étais pas habitué, mon oreille était pas habituée. Vous voyez? Je me sens d'ici, Harry.